Convergence. Culture et musique électro-underground. Salut à tous, bienvenue sur Convergence, Croc Radio 89.5 FM. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Franck MTO, qui est en face de moi et sous son micro. Salut Franck. Salut Yoz. Comment tu vas? Bah, très bien et toi? Bah, parfait, écoute. Hein. Ouais. On va partager avec toi de la musique, de la bonne humeur, comme tu sais le faire, ouais. pendant 2 heures. Donc ça va être plutôt sympa. Oui. Je vais te poser 2-3 questions vite fait et après on se met tranquille sur un petit set de 1 heure. Puis après je viendrai te rejoindre derrière les platines. D'accord, ça marche. Ok. Allez. Dis-moi un peu d'où tu viens, comment l'univers de la musique a rentré dans ta vie et tout ça quoi. Bah d'où je viens. En fait moi je viens de Paris. Donc je suis arrivé à Lyon il y a quelques années, ça fait 17 ans à peu près. Et comment je suis arrivé à la musique électro? Bah tout simplement en découvrant d'abord les nuits sonores. Je crois que ça devait être en 2008 ou non 2013 ou 2000. C'était en 2008. Ouais, et j'ai commencé à aimer la musique électro suite à cette édition là des nuits sonores. Et puis il en est venu que je travaille aussi dans un bar électro à la Croix-Rouge. Je sais pas si tu vois à peu près ce que c'est. Le moderne Art Café, ouais. Ouais, à l'époque, ouais. Donc en y bossant, j'ai commencé à connaître pas mal de DJ. Puis il y en a quelques-uns qui m'ont un peu intéressé au mix. Et voilà, c'est ainsi que j'ai appris à mixer par un copain qui s'appelle Franck aussi, Franck Blast. D'accord. Voilà, donc ça fait quoi? Ça va faire maintenant, je dirais, 7-8 ans que je mixe. Ouais. Ok. À peu près. Et qu'est-ce que tu veux nous proposer en set là? C'est quoi ta couleur de musicale? Mon univers en ce moment, c'est plutôt de la micro house. Donc ouais. Je suis un peu dans l'univers micro. Ah, c'est un peu de minimal aussi. Ouais. D'accord, très voilà. Bien. Ouais, bah super. Et bah écoute, présentation de monsieur Franck MTO. On est ravis de t'avoir avec nous et on va démarrer tranquillement un petit set ensemble pendant 2 heures. On vous souhaite une bonne écoute à tous et à toutes. Et bien, merci. Thank you. Thank you. somos bastante iguales en varios aspectos, pero...

We'll be right back. Thank you. Thank you. Et ben voilà un son qui fait bien du bien aux oreilles. On va continuer ensemble avec notre cher invité Franck MTO, tous les deux au platine à partir de maintenant. Bonne écoute et bon week-end. Convergence. Culture et musique électro-underground.